Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Caprice de lecture, émission de rentrée. Aujourd'hui, je reçois un invité par téléphone. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est par téléphone. Cet invité, vous aurez la chance de le rencontrer à l'événement de la rentrée littéraire, le livre sur la place, qui se déroulera du 9 au 11 septembre 2022. J'accueille avec grand plaisir Geoffrey Vibrac. Bonjour Geoffrey. Bonjour Sarah. J'espère que tout va bien pour vous. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de votre premier roman qui s'appelle L'affaire du cadavre rouge. Donc dans une série, ou qu'on suppose une série, on va le découvrir tout à l'heure, Les enquêtes touloises aux éditions Gérard Louis. Alors, on commence tout de suite cette interview, Geoffrey. Déjà, en commençant par votre personnalité et votre parcours, vous êtes docteur en droit privé et sciences criminelles et vous exercez, si j'ai rien loupé, votre profession dans ce domaine. Est-ce qu'on peut dire que le droit pénal ou l'exercice de ce droit, et même dans le cadre de vos études, a été le terreau de l'écriture de ce premier roman ? Oui, ah oui, évidemment. Je m'en doutais un peu. évidemment, je ne mange que du droit pénal. Oui. Je suis docteur en droit privé et sciences criminelles. Effectivement, j'ai écrit ma thèse sur le corps et la preuve pénale. Oui, qui est hyper intéressant, d'ailleurs. Merci beaucoup. Oui. Je me suis intéressé aux nouvelles technologies, à l'atteinte du corps, au consentement, à l'ADN, ce genre de choses. Donc ce sont des éléments sur lesquels je me suis beaucoup intéressé et qui sont utiles justement aussi pour ce premier roman. Et au-delà de ça, au-delà de mon doctorat, j'ai aussi deux masters, un master de droit pénal et un master de criminalistique. Donc ce sont toutes ces compétences que j'ai aussi mis en avant dans ce premier roman, L'affaire du cadavre rouge, okay. Qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est effectivement le premier tome de mes enquêtes touloises. Ah oui, on est dans un suspense insoutenable, c'est le premier en plus. Voilà. Alors, oui, bah, et puis ça se termine sur un suspense en plus. Oui, donc, en plus, complètement. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous parler un peu de l'aboutissement de ce projet d'édition avec les éditions Gérard Louis ? Parce que moi, j'imaginais un peu, ok, vous écrivez un livre, vous en êtes plutôt content, vous envoyez votre manuscrit, j'imagine, à plusieurs maisons d'édition, et c'est les éditions Gérard Louis alors, qui vous sollicitent ou c'est plutôt vous qui souhaitez travailler avec vous ? Comment ça se passe un peu l'échange pour aboutir donc à la parution de votre premier roman ? Alors le monde de l'édition est un monde qui est quand même extrêmement compliqué, surtout pour les auteurs. Mm-hmm. Et trouver une maison d'édition, ça relève un petit peu du casse-tête en ce moment. Ouais. Donc oui, j'ai terminé mon manuscrit, je l'ai terminé en un mois, il a été terminé en août 2021. Ok. Et je l'ai envoyé à différentes maisons d'édition. Certaines m'ont répondu très rapidement, étaient intéressées, d'autres ne m'ont jamais répondu. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui ne répondent pas. Oui. Et concernant Gérard Louis m'a répondu au bout de plusieurs mois. On s'est rencontrés. Okay. Parce qu'il aime bien, c'est un éditeur lorrain. Oui. L'année prochaine, il fête ses 40 ans d'édition en Lorraine. Super. Donc, bon anniversaire par avance, Gérard. Oui, que je ne connais pas, bon anniversaire. Et donc, c'est un gros éditeur lorrain et il aime bien être proche de ses auteurs. Donc, on s'est rencontrés au mois de novembre. Okay. Donc, de août à novembre, on s'est rencontrés là. Okay. Après, il y a eu la phase de lecture et on a signé le contrat en mars pour une publication en juin 2022. Super. Donc, ça prend du temps, beaucoup de temps. Si j'ai bien compris, vous avez écrit ce roman en un mois, c'est ça que vous nous disiez ? Oui, ça a été assez rapide. En fait, la phase d'écriture est assez simple, étant donné que j'écris pendant mes vacances. Donc, je me consacre entièrement à ça. Ouais. J'écris un petit peu les soirs, de temps en temps, le week-end. Mais c'était un projet déjà mûri, alors, peut-être ? Enfin, quand vous l'avez, puisque vous mettez un mois, moi, je trouve ça assez extraordinaire, un mois. Alors, évidemment, même si vous vous consacrez qu'à ça pendant vos vacances, c'est un projet qui était déjà bien clair dans votre tête, alors ? Oui, alors après, je ne sais pas comment les autres auteurs écrivent. Ouais. Moi, j'ai eu l'habitude d'écrire avec ma thèse. Ouais. J'ai fait une thèse qui faisait quand même 500 pages. Mm-hmm. J'ai écrit pas mal d'articles juridiques à côté, donc j'ai eu l'habitude d'écrire. Ouais. Et au-delà de ça, quand moi j'écris, personnellement, je me pose un thème. Ok. Et ce thème, les soirs, parce que je suis généralement insomniaque, donc généralement le soir, je réfléchis quand même beaucoup à la chose. Et même si je n'écris pas, pendant plusieurs temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, des fois, ça réfléchit. Ouais. Et, c'est votre phase de maturation, quelque part, le fait d'y réfléchir, tout ça. Voilà, donc quand vous commencez à écrire, à mettre en forme, on va dire, ce que vous avez un petit peu bien pensé. C'est déjà clair dans votre tête, il n'y a pas de phase de maturation au milieu ou je ne sais quoi encore, quoi. Ah non, ça, c'était ça le premier tome. Ouais. Pour moi, c'était, tiens, il y a un cadavre rouge qui va être retrouvé place Monde au centre-ville de Toul. Voilà. Et après, toute l'enquête est partie de là-dessus. Et quand j'ai commencé à écrire, je savais où j'allais par rapport à ça. Ouais. Le second livre a été fait de la même manière. Et là, je suis en train d'écrire le troisième. Et le troisième a été fait pareil. Okay. Et on est en train d'écrire. Je suis en pleine phase de réflexion, justement, pour le troisième, que j'écrirai pendant mes vacances de décembre. Et donc, on aura la chance peut-être de voir en mars ou avril 2023. Oui, ah voilà. Oui, il y aura 4 tomes en tout. Hein. Ah, il y en aura un par an. Le 2, normalement, sortira fin avril, peut-être début mai 2023. Mm-hmm. Et donc, en 2024, il y aura le tome 3. Et en 2025, le tome 4, le tout dernier tome des enquêtes touloises. C'est une série en 4 tomes. D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale avec Nino et Naps. Tout va bien. Je suis sur My Eyes Only dans son bigo. Bébé va rentrer tard, je la charge en moto, en casque, Momo. Mamé, à la fois je lui passe la veste à trois points chez Moschino. Hombre, tu ne le sais pas, mais je te voulais depuis Mino. Mamé, puis lâche de se bagarrer, on va seulement se garer. Je te joue pas de violon, tu sais que je suis violent. Le bif, tout ça c'est carré, ton avenir je peux assumer. Je te joue pas de violon, je te joue pas de violon. C'est trop compliqué, j'arrête bientôt. Le cas est black tout comme Viano. Je lève mon flash à ta santé, mais c'est chaud. Hey, hey. Ma chérie veut Yves Saint Lolo. Je te donne mon cœur fait par Bobo. Même t'as pas à elle, je fais la photo. Tout va bien. Yeah. Piloti cocktail coco. J'écoute au Malais, elle chante Lolo. Je suis certifié, je peux pas te follow. Tout va bien. Yeah. Madame veut connaître mon budget pour la vie. Mais ça charbonne encore donc c'est varié. À la fin du bal on rencontra les amis. Versace sur ma gauche, la même danser. Il paraît que les Seychelles c'est cher. Dis-moi le prix, je te dis si c'est dans mes corps. Fais pas la vis, là tu pas né hier. Tu fais la meuf qui boude dans le féfé. C'est trop compliqué, j'arrête bientôt. Le cas est black tout comme Viano. Je lève mon flash à ta santé, mais c'est chaud. Hey, hey. Ma chérie veut Yves Saint Lolo. J'te donne mon cœur fait par Bobo. Même t'as pas à elle, j'fais la photo. Tout va bien. Yeah. Piloti cocktail coco. J'écoute au Malais, elle chante Lolo. J'suis certifié, j'peux pas te follow. Tout va bien. À cette heure-ci, je dois être à Miami. Ils ont scellé la sapée, la rolly. Un peu romantique, un peu gangoli. Je suis un peu mani, je suis un peu Tony. À cette heure-ci, je dois être à Miami. Ils ont scellé la sapée, la rolly. Un peu romantique, un peu gangoli. Je suis un peu mani, je suis un peu Tony. Je suis dans le resto, festin, on le fait à l'instinct. 10 millions et je laisse tomber. Il faut la crypto, Christo. On a pris le pisto, je préfère les plats d'un matin. Chérie veut Yves Saint Lolo. J'te donne mon cœur fait par Bobo. Même t'as pas à elle, j'fais la photo. Tout va bien. Yeah. Piloti cocktail coco. J'écoute au Malais, elle chante Lolo. J'suis certifié, j'peux pas te follow. Tout va bien. Yeah. Mami ALONZONAPS. Any. Caprice de lecture sur Fadjet. Aujourd'hui avec Geoffrey Vibrac. Les lecteurs pourront donc vous rencontrer au Livre sur la Place pour échanger avec vous sur ce roman. Comment vous vous sentez ? Est-ce que c'est un honneur ? Est-ce que vous avez un peu le trac ou un peu de stress ? Parce que voilà, vous allez quand même être sollicité, les gens vont vous poser des questions. Est-ce que vous vous projetez un peu ? C'est quand même à l'événement littéraire de la rentrée. Je trouve ça extraordinaire, c'est une super chance, quoi. Comment vous vivez ça ? Ouais, non, je suis super heureux déjà. Ouais, c'est clair. Ce ne sera pas mon premier salon du livre. Le tout premier, bah, j'ai quand même eu beaucoup de chance. Mon livre, premier tome des enquêtes touloises, est paru pour le salon du livre de Toul. C'était le tout premier salon du livre de Toul qui se tenait le 25 et 26 juin. C'était à la cathédrale, c'est ça ? Oui. Voilà, ok. C'est dans le cadre de la Lorraine est formidable. Et donc, oui. J'ai eu de la chance, mon ouvrage sortait pile pour là. Ah, super. Donc, je suis déjà habitué. Ouais. Mais le livre sur la place, c'est sûr que ça va être autre chose, ça va être un peu plus gros. Ouais, c'est sympa, c'est chouette. J'ai hâte. Ça doit être un peu galvanisant en même temps. Vous voyez, on se dit, ouais, mais je suis au livre sur la place. C'est aussi un rêve peut-être qui se réalise pour vous jour, être assis au livre sur la place, quoi. C'est génial. Clairement, oui. Ouais, on ne va super. Pas se mentir par rapport à ça. C'est, le livre sur la place, c'était quelque chose que je pensais pas forcément atteignable et j'en suis vraiment très heureux. Ça l'est. Donc ça veut dire qu'aussi, vous avez... il y a du talent quoi, aussi. Ça doit vous rassurer quelque part aussi, vous. Vous voyez, c'est chouette. Les gens qu'on va voir au livre sur la place, il y a une connotation de talent, de renommée, de travail. Enfin, c'est tout un contexte, sûr, en fait. Ouais. C'est chouette. C'est sûr, c'est pas tous les auteurs qui y sont, donc je suis vraiment très, ouais. Je suis vraiment très heureux d'y être, hein. Franchement très heureux. Vous avez bien affûté vos crayons pour les autographes et tout, les gens vont vous J'ai préparé mon encre parce que généralement je signe au stylo plume. Ah ouais, c'est donc, bien. Donc l'encre est prêt. Ah ouais, ça y est. N'oubliez rien. Hein. Ne vous inquiétez pas, je suis prêt, je suis opéré, Jadel. Alors, juste petite précision, je voulais juste apporter cette précision-là. Oui le livre sur la place, je serai disponible seulement le dimanche 11. Ok, donc c'est bien de le préciser aussi, effectivement, parce que quelquefois, il y a des auteurs qui sont là sur les 3 jours, il n'y en a pas forcément, donc je le rappellerai également le problème, aussi à la fin de l'émission, pour que ce soit clair. Hein, okay. Bah, c'est le problème du monde de l'édition, en fait, c'est que le livre sur la place, à la base, c'est un salon de libraire. Oui. Et les maisons d'édition ne sont pas forcément très représentées. Et nous, avec le manque de place, eh ben, je ne peux être là que le dimanche. Ouais. Mais vous y serez quand même. Voilà. Moi, c'est ce que je me dis. Ah, mais je suis très heureux d'y être. Ouais, vraiment très heureux. Bon. Peut-être que l'année prochaine, vous y serez sur les 3 jours. Qui sait ? Je ne sais pas. Bah, ça dépend du stand, en fait. Si Gérard Louis a plus de place, j'y serai. Bah, ouais, ce serait chouette. Alors là, du coup, c'était ma 4e question, mais à laquelle vous avez déjà répondu. Donc, les tomes 2 et 3 sont-ils en cours de production ? Et si oui, à quand la parution ? Bon. Vous avez déjà répondu, donc là, ce ne sera pas mis dans l'émission. Quelle question je pourrais bien vous poser ? Votre façon d'écrire, vous y avez aussi répondu. Ou alors, ce qu'on va faire, vous savez quoi, Geoffrey ? On va faire que 4 questions. Mais comme c'est des questions où vraiment vous apportez des réponses très complètes, vous êtes super à l'aise, donc ça, c'est génial. Je vous propose que j'annonce la coupure musicale, là, qui va venir. Et après, je vous poserai ma dernière question. Est-ce que ça vous va ? Eh bien, il n'y a aucun problème. Hein, parce que c'est vraiment super complet. Donc... on va faire une petite coupure musicale avec... est-ce que vous êtes fan de Stranger Things, Geoffrey, ou pas ? Ah oui, bien évidemment. Voilà, donc la coupure musicale, comme c'est... beaucoup de personnes. Voilà, c'est aussi mon coup de cœur, c'est Kate Bush, Running Up That Hill. Yeah. Grise de lecture sur Fadjet. Aujourd'hui avec Geoffrey Vibrac. Dernière question. Avez-vous le projet d'écrire sur d'autres thématiques ou d'autres styles pour l'avenir? Ou est-ce que vous souhaitez peut-être rester accolé à ce que vous maîtrisez déjà très bien? C'est une grande question. Je sais. Alors, peut-être qu'après, j'écrirai autre chose que des polars. J'aime bien un petit peu aussi, pour moi, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore publié, je le ferai peut-être un jour. Ouais. Mais j'aime bien écrire des nouvelles. Mais, okay. Mais le problème, c'est que autant mes polars sont très drôles, oui. Parce qu'il y a toujours un cadavre, mais après, c'est toujours une enquête drôle. Autant quand j'écris autre chose, je me rends compte que je suis extrêmement triste. C'est une écriture très triste et ça me déprime moi-même. Donc, il faut arrêter tout de suite. Je m'auto-déprime, donc c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie de publier. Mais ce qui est drôle, parce que effectivement, à ce stade, j'aurais pu créer des thrillers et non pas des polars et faire quelque chose de sombre. Mais non, je préfère quelque chose de drôle, donc j'écris des polars. Donc, si je comprends bien, si vous arrêtez d'écrire du polar, vous écrivez des nouvelles, hein, si j'ai bien compris, en ce moment, à l'heure où on se parle. Mais écrire des nouvelles, ça vous déprime, donc vous écrivez des choses tristes, c'est ça, à peu près, hein? Mais je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à écrire quelque chose de joyeux quand ça sort de ma zone de confort. Ouais, bah parce que justement, ça vous oblige à faire autre chose. Mais si vous êtes bien dans ce style-là, restez-y, parce que les lecteurs en sont aussi très contents. Oui, bah ça c'est sûr. Après, j'ai aussi d'autres projets, beaucoup de projets. J'ai, pour l'instant, bah, ça c'est les enquêtes tout âge, il y aura 4 tomes, qui va me tenir les 3 prochaines années encore. Ok. Ensuite, j'aimerais écrire des polars qui se passent ailleurs. J'en écrirai forcément un qui se passe à Nancy, un autre qui se passera à Laxou, parce que j'habite à Laxou. Mm-hmm. Mais vous resterez toujours un peu, vous resterez en Lorraine? Bah pas forcément en fait, avec... Okay. Avec mon conjoint, on a aussi prévu d'écrire tous les deux un livre qui serait vraiment, mais vraiment très drôle. Là, ce serait aussi une enquête, mais qui se passerait dans toute la France, mais sur quelque chose vraiment très drôle. D'accord, du coup, c'est un projet, une écriture à quatre mains, donc un truc qui n'a rien à voir avec ce que vous faites actuellement, du coup. Ouais, c'est ça, c'est pour changer. Mais après, c'est toujours pareil, c'est le temps, on n'a pas forcément... Ouais, bien sûr, je comprends. Bon, bah c'est chouette tout ça, alors. Il y a plein de beaux projets derrière. Oui, il y a beaucoup de projets. Bah après, j'ai que 31 ans, hein, j'ai largement le temps d'écrire. Ah oui, c'est clair, c'est bien. Profitez. Alors, Geoffrey, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre caprice de la semaine, nous faire découvrir quelque chose et à faire découvrir à nos auditeurs une lecture qui vous a plu? Alors, j'aimerais parler de deux séries. Ok. Il y a deux séries qui m'intéressent et notamment parce que j'aime les auteurs régionaux et... Les deux personnes dont je parlais seront également au Livre sur la Place et vous pourrez les rencontrer en même temps que moi le dimanche. La première, c'est des polars. Hein. La première, c'est la série de Sébastien Passy aux éditions La Valette. Le premier, c'était Tombé du ciel, que j'ai lu, que j'ai dévoré, j'ai adoré. Et qui est une enquête musicale. D'accord. Enfin, en lien avec la musique, tout du moins. C'est quoi le titre? Puisse... C'est Tombé du ciel, aux éditions La Valette. Ok. Et il s'agit d'une partition de Mozart qui est retrouvée dans l'ouvrage, dans son piano. Mm-hmm. Et il va y avoir toute une enquête par rapport à ça. Et c'est un livre que j'ai dévoré très rapidement, que j'ai adoré. D'accord. Et cet auteur donc a écrit la suite qui s'appelle Le ciel attendra. Et qui est disponible à partir de maintenant, notamment pour le Livre sur la Place. D'accord, ça c'est bon à savoir. Et donc ça, c'est un polar en lien avec la musique. Le second, ce sont des polars en lien avec le journalisme. Et là, c'est des polars qui sont parus chez Gérard Louis, comme moi, mon même éditeur. Et donc c'est Jean-Christophe Erstein qui écrit la série Kaplan. Ok. Donc le premier tome, ça s'appelle Kaplan fait diversier. Et le second qui vient de sortir, Kaplan la mer aux trousses. Et là, c'est un journaliste complètement gaffeur qui va apprendre son métier de fait diversier, donc sur les faits divers, et qui va mener aussi une sorte d'enquête par rapport à ça dans ses ouvrages. Eh ben super, c'est plein de choses à découvrir en plus avec des auteurs de chez nous qui méritent d'être mis en valeur aussi. Donc je trouve ça vraiment si vous avez envie de ces trois polars, donc des enquêtes touloises, des enquêtes un peu plus liées à la musique ou des enquêtes avec le journalisme, et venez nous découvrir tous les trois dimanche sur la place. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup Geoffrey de nous avoir accordé cette interview. C'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous. autrement que par Messenger. En plus, c'est quand même vachement plus sympa. Oui, c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Vous en prie. Donc, je rappelle que vous serez présent donc, au Livre sur la Place le dimanche 11 septembre. C'est bien ça. Toute la journée, pour que nos auditeurs et toutes les personnes qui vous ont lu puissent venir vous rencontrer et puissent obtenir une belle dédicace avec votre stylo plume. C'est toujours ça. Oui, d'accord. C'est toujours ça. Hein, voilà. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Geoffrey Vibrac auteur. Voilà. Je raconte toutes les actualités, les séances de dédicace pour ceux qui ne seront pas là au Livre sur la Place. Ok. Et les actualités sur cette série. Ça marche. Je rappelle que cette émission va donc être diffusée ce jeudi 8 septembre à 16h30 sur Fadjet 94.2. Et vous pourrez retrouver également cette émission sur le site internet capricedelecture.fr. Merci beaucoup Geoffrey, à très bientôt. Et je vous souhaite à tous de belles lectures. Au revoir.